Polito, oui, papa, quel voulez-vous faire, mes dire la danse? Voulez-vous petite mariage avec moi, simple amas? Voulez-vous vous petite manée contenance? Oh, monsieur d'Asquet, frisson, honte-moi, on manque un brin plus salon. Oh, je suis enragée, voulez-vous? Oh, ça, ça, quel voulez-vous, oui, papa, quel voulez-vous dire? Oh, vive le roi! Papa, quel voulez-vous dire? Vive le roi!